Tonight, Dieu va être avec nous ce soir. Senior pastor really wanted to be here tonight with us. Notre pasteur principal voulait vraiment être avec nous ce soir. Amen. Amen. But then she had a commitment that she had to attend to. Mais elle a une réunion qu'elle a dû atteindre ce soir. And so I have to stand in for her tonight. Alors je dois être là ce soir. Hallelujah. Hallelujah. But I believe that God will have his way with us tonight. Mais je crois que Dieu aura sa voix ce soir avec nous. Hallelujah. Hallelujah. I want us to just lift our hands to God tonight. J'aimerais juste que nous puissions lever nos mains vers Dieu ce soir. I want you to just talk to God, just pray, just speak in tongues if juste you know how to speak in tongues. Prie en langue. Just pray. Juste tell God prie. That God, I expect a miracle tonight. Yeah, I Dieu, need j'espère to speak to me tonight. Ce soir. Parle-moi speak ce to soir. My heart. Speak parle to à mon my cœur ce soir, parle à ma situation ce soir. Speak to every circumstance in my life, parle à toutes circonstances ce soir dans change ma vie. Something in me. Change quelque something chose in me. En moi. Help me, oh aide-moi. God. Aide-moi, I am oh nothing Dieu. Without you. Je ne suis rien sans toi. I cannot make it without you. Je ne peux rien faire sans toi. I am helpless without you. Je suis sans aide sans toi. In the name of Jesus, au nom de Jésus, let's invite the presence of the Holy invitons Spirit la présence du Saint-Esprit to come and feed our spirits tonight. Remplir nos esprits ce soir. To come and open our hearts to receive from God tonight. Ouvrir nos cœurs ce soir. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I want you to tell God that God, I need a word from you. Je veux que tu dises à ce soir à Dieu, j'ai besoin d'une parole de toi. I need a word from you tonight. J'ai besoin d'une parole de toi ce soir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of au nom Jesus. De Jésus. I want us to bind every spirit of j'aimerais doubt que nous in puissions this place. Lier tout esprit de doute. I want us to bind every spirit. J'aimerais que nous puissions lier tout esprit. That is contrary to the spirit of God in this place. Qui ne confesse pas l'esprit du Seigneur ce soir. Oh, we invite you, Holy Spirit. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Let the blood of Jesus be a covering over us tonight. Laisse le sang de Jésus nous couvrir ce soir. Help us tonight. Aide-nous ce soir. Oh, be gracious unto us tonight. Oh, sois gracieux envers nous ce soir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. I just want Rose to come and help us sing Shiloh. Amen. Or Becton, you can also come. Amen. Réponds-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire, je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, I want this to be your prayer tonight. Je te dirai, oh, je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne serai pas vivant. Moi ta vie, Shiloh, ma gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Tiens ma main sur le chemin, viens poser moi ta main, fais briller par ton amour mes lendemains. Au palais des bien-aimés, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Prendre ami, oh Shiloh, viens lever au poids Father, we thank you for the gathering tonight. I commend myself into your hands, O God. Just use me as a vessel to touch your people, to speak to your people, O God. I pray for everyone gathered here. You know our needs. You know, God, the issues in our lives. And you know how much we need a word from you tonight. I pray, O God, that you speak to every single individual under the sound of my voice. I pray, Holy Spirit, that you will come and touch and soften every heart in this place. I silence the voice of the accuser in the name of Jesus. I ask for the covering of the blood of Jesus over our service tonight, O God. Pray the Lord your presence will be with us and your perfect will be done in our lives tonight. We bless you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I want you to give a clap offering to Jesus. Je vous donner l'offrande d'acclamation à Jésus. And please take your seat. Et s'il vous plaît, asseyez-vous. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Like I said, Lady Reverend really wanted to be here. Comme j'ai dit, Lady Reverend voulait vraiment être là. But she had a few things to attend to. Mais elle a quelques réunions à faire. Amen. Amen. But I believe that God will speak to us tonight. Mais je crois que Dieu va nous parler ce soir. Amen. Amen. Tonight I'm going to speak on a subject that I believe God wants every Christian, and not just pastors or shepherds or elders or deacons or evangelists or prophets to have. Ce soir, j'aimerais parler sur un sujet que je pense que ça soit des pasteurs, des bergers, tout chrétien devrait écouter. Hallelujah. Hallelujah. It is something that even as I was going over the notes again, I realized that we needed to survive. Quand j'étais en train de relire les notes, j'ai réalisé que nous avons besoin de ce message. Hallelujah. Hallelujah. And I pray that even if it's just one sentence that will stay in your heart tonight. Et je prie que même si c'est une seule parole qui va rester dans ton cœur ce soir, you will receive something before you leave. Tu vas recevoir quelque chose avant de partir. Hallelujah. Hallelujah. Tonight I want to share with us faith, the master key to your breakthrough. Ce soir, j'aimerais partager la foi, la clé pour la réussite. Faith, the master key to your breakthrough. OK. La foi, la clé maîtresse de ta réussite. Hallelujah. Hallelujah. On Sunday we understood that there was a difference between believing and having faith. Dimanche, j'ai réalisé qu'il y avait une différence entre croire et avoir la foi. Hallelujah. Hallelujah. One of the scriptures that we looked at, et une écriture que nous avons regardée, was the woman who had the issue of blood. C'était l'histoire de la femme qui avait le problème de la perte de sang. You know, the Bible said she said within herself. La Bible dit qu'elle s'est dit à l'intérieur d'elle-même. Hallelujah. Hallelujah. She said within herself. Elle s'est dit en elle-même that if I can only touch the hem of his garment. Que si je peux juste toucher l'habit, le pan de sa robe, I will be made whole. Je serai changée. And tonight God is telling you that you need to get to the point. Et Dieu a besoin que tu saches que tu you need to get to the point. Tu as besoin de réaliser. Where you will say within yourself. Où tu te diras. That if you can pray this or believe this, you will receive what you need from God. Si tu pries cela ou tu penses comme cela, tu recevras quelque chose de Dieu. I realize that it is something that nobody can do for you. J'ai réalisé que c'est quelque chose que personne ne peut faire pour toi. And a lot of us as Christians are living in a certain mentality. Et beaucoup de nous en tant que chrétiens, nous vivons dans une certaine mentalité. Thinking that that kind of faith belongs to only a certain group of people. Pensons que ce genre de choses appartient à un certain genre de personnes. Hallelujah. Hallelujah. But I am here to explain to you that you as a child of God. Mais je suis ici pour t'expliquer que toi en tant qu'enfant de Dieu, you need to begin to exercise your faith. Tu as besoin de pouvoir exercer ta foi. You have been a Christian for long enough. Tu as été un chrétien pour assez longtemps. You have prayed. Tu as prié. But maybe you have not added faith. Mais peut-être tu n'as pas ajouté la foi. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says in Hebrews chapter 10 verse 38. Et la Bible dit en Hébreux 10 verset 28. And you see, even if you know it by heart, I need you to pay attention. Because I'm talking about faith, the master key to your breakthrough. Je parle de la foi, la clé maîtresse pour ta liberté. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, now. La Bible dit maintenant. The just shall live by faith. Le juste vivra par la foi. Hallelujah. Hallelujah. And we understand from Hebrews 11:1 that faith is not what you can see. Et nous comprenons dans Hébreux 1 que la foi n'est pas ce que nous voyons. Because you can see that this thing, I mean, physically you see that the pulpit is black. Physiquement, nous voyons que le pupitre est noir. But then, once you begin to exercise your faith, mais alors que tu exerces la foi, believing God for something specific, croyant en Dieu pour quelque chose de spécial, you have to begin to believe. Tu dois commencer à croire that the pulpit is not black, que le pupitre n'est pas noir, but it is white, mais qu'il est blanc. That is why the Bible says that now faith is what? C'est pour cela que la Bible Hebrews 11:1. He says it is the evidence. Evidence is like how the woman was caught in adultery. La foi est une ferme assurance. La foi, c'est quand la femme a été attrapée en adultère. The Bible says that she was caught in the very act. La Bible dit qu'elle a été attrapée sur le fait accompli. So there was evidence that this woman was caught in adultery. Alors c'était évident que la femme a été attrapée dans l'adultère. Nobody needed to explain to Jesus or anybody that this woman, this is the evidence. Personne n'avait besoin d'expliquer à Jésus que cette femme, voici ce qu'elle a fait. And that is what God is telling you and I tonight. Et c'est ce que Dieu te dit à toi et à moi ce soir. That we have stayed on the mountain of having a certain mentality for too long. Que nous sommes restés sur le point d'avoir une certaine mentalité pour pendant trop longtemps. And God wants us to begin to move from the place of having an inferior mentality. Et Dieu veut que nous puissions changer de notre mentalité inférieure. To begin to rise. Pour commencer à nous élever. To a place where we have great faith. Pour atteindre une place où nous avons une grande foi. And that is something that no pastor, no bishop, no prophet can do for you. Et c'est quelque chose qu'aucun pasteur, aucun évêque ne peut faire pour toi. You need to say within yourself. Tu as besoin de te dire en toi-même. You need to believe it in your heart. Tu as besoin de le croire dans ton cœur. That this shall come to pass. Que cela va arriver. That what I am praying for shall come to pass. Que ce pour lequel je prie arrivera. That what I am believing God shall come to pass. Que ce pour lequel je crois en Dieu arrivera. Because the scripture says, Hebrews 10:38. Dans Hébreux 10:38. It says, now the just shall live by faith. So your daily living must be a faith living. Que mon juste vivra par la foi. Donc, ta vie quotidienne doit être minée de foi. Now, this is the second part that I need us to really watch. The Bible says, but if any man draw back, that is, if any man begins to doubt, c'est une partie pour laquelle j'aimerais que l'on puisse se God says that my soul shall have no pleasure in him. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. It means that if you begin to live by faith, ça veut dire que si tu commences à vivre par la foi, and after a point you don't see what you are expecting at the time you think you should see it, et après un moment quand tu t'attends à ce que cela se réalise, tu ne vois pas cela arriver, and your soul begins to draw back, et ton âme commence à se retirer, and you have evidence to doubt, et tu commences à douter, then God says that He will almost cut you off because you don't believe that He is the Alpha and the Omega. La Bible dit que Dieu se séparera de toi parce que il commence à voir dans ton cœur, il est le commencement et la fin. Hallelujah. Hallelujah. Tonight, God needs us to increase our faith in Him. Ce soir, Dieu a besoin que nous puissions augmenter notre foi. I want us to turn to a certain scripture before J'aimerais we continue. J'aimerais que nous puissions lire une certaine écriture. Hallelujah. Hallelujah. 1 John chapter 5. 1 Jean 4, 5. 1 John chapter 5, 1 Jean 5, verse 14. Au verset 14. Okay, let's start from verse 13. Commençons au verset 13. Now, this thing I'm sharing with you is also blessing me in a certain way. So I need you to believe that God needs your faith to be exercised. You in your state, no matter how bad you think, no matter who you are, God needs you to begin to exercise your faith. Ce que je veux vous partager, c'est quelque chose qui me bénit aussi. J'aimerais que toi, que tu puisses commencer à exercer ta foi. Hallelujah. Hallelujah. Let's read. First John chapter 5 verse 13 to 15. The Bible says, I write these things to you who believe in the name of the Son of God. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. That you have eternal life. Now, verse 14 says, and this is the confidence that we have toward him. Nous avons auprès de lui cette assurance. That if we ask anything, que si nous demandons quelque chose, if we ask anything, que si nous demandons quelque if chose, we ask anything, que si nous demandons quelque chose, according to his will, he hears us. Selon sa parole, il nous écoute. If we ask anything, si nous demandons quelque chose, he says that this. The 13 says that I am writing this to you who believe in the Son of God. Le verset 13 dit, je vous écris ces choses à vous qui croyez au Fils de Dieu. So tonight God is talking to you and I who believe in the Son of God. Alors ce soir Dieu parle à toi et à moi qui croyons au Fils de Dieu. He says, and this is the confidence that we have in Him. Et il dit, ça c'est l'assurance que nous avons en lui. That if we ask anything according to His will. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. We know that He hears us. Nous savons qu'il nous écoute. And the verse that follows says. Et le verset suivant dit, and if we know that he hears us, et si nous savons qu'il nous écoute, then we have what we asked of him. Alors nous avons ce que nous demandons de lui. Hallelujah. Hallelujah. He says, if we know, et si if you savons, know, if you know, et as si you are savons, praying, alors if que nous you prions, know that si he tu sais hears you, qu'il t'écoute, if this is the confidence that you have, ça c'est l'assurance que tu as. Bible says that you don't need to have the evidence. La Bible dit tu n'as pas besoin d'avoir des preuves. According to Hebrews chapter 11 verse 1. Selon Hebrews 11:1. Hébreux 11:1. He says that you don't. It is the evidence of things not seen. Now evidence is something that you see that helps you to draw a conclusion. L'assurance est quelque chose que tu ne vois pas, que tu vois. Evidence is something that you see that helps you to draw a conclusion. Okay, c'est quelque chose que tu vois qui t'emmène à arriver à une certaine conclusion. But God is telling you that the way you think. Mais Dieu te dit que la manière dont tu penses. The way the world operates. La manière dont le monde opère. Is not the way He operates. Ce n'est pas la même manière dont il opère. He is telling you tonight. Il te dit ce soir. He says faith. Il dit. Is the evidence. C'est l'assurance. Of things not seen. Que les choses que tu ne vois pas. The things that you cannot see. Les choses que tu ne peux pas you voir. You still believe. Tu crois. Why? Why? Pourquoi? Because of 1 John 5, 13 and 14. À cause de Jean 5, 13. 1 John 5, 13 1 Jean 5, 13. He says that, and this is the confidence that we have in Him. Et il dit ça, c'est l'assurance que nous avons en lui. That if we ask anything according to His will, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, we know that He hears us. Nous savons qu'il nous écoute. And if we know that He hears us, et si nous savons qu'il nous écoute, then we have what we ask of Him. Alors nous aurons ce que nous demandons de so lui. So the question is that, do you know that He is hearing you? Alors la question est, est-ce que tu sais qu'il nous écoute? Or you are just praying because you are supposed to pray for 3 hours a day. Ou tu pries juste parce qu'il faut prier pendant 3 heures par jour. Or you are supposed to pray for 2 hours a day. Ou parce qu'on est supposé prier pendant 2 heures. Or you know that as a shepherd you are supposed to pray for 2 hours or 3 hours. Ou parce que tu sais qu'en tant que berger tu dois prier 2 heures au moins. So you are just mumbling something. Alors tu es juste en train de faire quelque chose. But you don't believe, you don't have confidence. Mais alors tu ne crois pas, tu n'as pas l'assurance. Tonight. Ce soir. God wants you to know. Dieu veut que tu saches. That if you want that breakthrough that you believe that you need. Que si tu veux avoir cette chose qui te permet de croire. Then you need faith. Alors tu as besoin de la foi. And you don't only need faith. Tu n'as pas. You don't only need faith. Tu n'as pas seulement besoin de la foi. But you have to learn to begin to exercise your faith. Mais tu dois commencer à apprendre à comment exercer ta foi. Hallelujah. Hallelujah. When you start exercising. Quand tu commences à exercer. It is not easy. Ce n'est pas facile. Hallelujah. Hallelujah. It is not easy at ce all. Ce n'est pas facile du tout. But as you keep exercising your faith, mais alors que tu continues d'exercer ta keep foi, exercising your tu continues d'exercer ta you foi. You know, if you want to have muscle, tu sais si tu veux avoir des muscles, you start with maybe 5 kilograms or 2 kilograms. Tu commences avec 2 kilos. And then you begin to do it little by little. Alors tu commences à faire petit à petit. At a point, your muscles become strong. À un moment donné, to handle things that are heavier. Tes muscles deviennent forts pour pouvoir soutenir des choses plus lourdes. And tonight God is telling you. Et ce soir Dieu te dit. You are believing me for great things. Tu crois en lui pour des grandes choses. But do you have the confidence that mais I can do it? Est-ce que tu as l'assurance? Do you have the confidence that est-ce I can do it? Est-ce que tu as l'assurance? Hallelujah. You know, there is a difference between those who exercise faith and those who do not. Il y a une différence entre ceux qui exercent leur foi et ceux qui n'exercent pas leur foi. And you can be a Christian and live to be 70 years and tu not exercise faith. Tu peux être un chrétien pendant 17 ans et tu n'exerces pas la foi. You will just live. Tu vas juste vivre and believe, et croire, but you will not have faith. Mais tu n'auras pas la foi. And that is why your life will not be exceptional. C'est pour cela que ta vie ne sera pas exceptionnelle. If you look at the great men of God that we have, si tu regardes les grands hommes de Dieu que nous avons, if you look at our father, Bishop si Dag, tu regardes à notre père, l'évêque Dag, Ewald Mills, his life is a life of faith. Sa vie est une vie de foi. Going for the crusade, it is faith. Pour les croisades, c'est la foi. How do you know that the people will gather? Comment est-ce que tu sais que les gens viendront? How do you know that the things will work? Comment est-ce que tu sais que les choses vont fonctionner? How do you know that tonight people will be healed? Comment est-ce que tu sais que ce soir les gens vont être guéris? They just shall live by faith. Mais les justes vivront par la foi. Your life should be a life of faith. Ta vie doit être une vie de foi. If you look at Bishop Oyedepo. Si tu regardes à l'évêque Oyedepo, hear him preaching on sweet melodies. Tu l'écoutes prier. He's always proclaiming positive things. Il proclame toujours des choses things positives. Of faith. Les choses de foi. So when you listen, you ask yourself that when will these things come to pass? Quelquefois, quand tu entends, tu te demandes quand est-ce que ces choses vont arriver. But it is not up to you to know when it is going to come to mais pass. Mais ce n'est pas à ton regard de savoir quand est-ce que ces choses vont arriver. Yours is to have faith. Mais tu dois avoir la foi. I say yours is to have tu faith. Dois avoir la foi. Hallelujah. Alléluia. And the fact that you have faith, et le fait que tu as la foi, does not mean that you will not encounter disappointments and problems in ne life. Ne dis pas que tu ne vas pas être déçu. Hallelujah. Alléluia. Because sometimes as you are believing God for a miracle, alors, parce que des fois quand tu t'attends à un miracle venant de Dieu, the enemy will try and bring certain things your way. L'ennemi va essayer d'emmener certaines choses sur ton chemin. And give you evidence. Et te donner certaines preuves. That this thing that you are asking for. Que cette chose pour laquelle tu this prie. This job that you need. Ce travail dont tu as besoin. Look at your qualifications. Regarde tes qualifications. Do you think your qualifications will get you there? Est-ce que tu penses que tes qualifications pourront t'emmener à ce but point? But what you need to understand. Mais ce dont tu as besoin de comprendre. Is that you are fighting a battle with the devil in your mind. C'est que tu es en train de combattre dans ta tête avec le and diable. You have to be able to tell Satan. Et tu dois être capable de dire à Satan. That shut up Satan. Que tais-toi Satan. Or get thee behind me Satan. Ou va loin de moi Satan. I am believing God for this. Je crois en Dieu pour cela. And I know that he will come through for me. Et je crois que cela arrivera. I know that my God will come through et for me. Et je crois que Dieu étendra sa main. Hallelujah. Hallelujah. Let's look at Hebrews chapter 11 verse 6. Tournons dans Hébreux 11 verset 6. Hebrews 11:6. Hébreux 11:6. The Bible says. La Bible dit. But without love. Oh, la Bible dit sans l'amour. Okay. The Bible says, but without the regular paying of your tithes. Or sans le paiement régulier de ta dîme. Without regularly being at rehearsal at 6 a.m. every Saturday till 5 p.m. Sans every Saturday. Tout le temps à 6 heures à la réunion tous les samedis. Without love, sans amour, without hope, sans espoir, the Bible says, la Bible dit, I said tonight it is a key that you need. Ce soir, c'est une clé dont tu as besoin. The Bible says that but without faith. Mais la Bible dit mais sans la foi, it is impossible. Il est impossible. It is impossible. Il est impossible. It is almost like saying that Obama is sleeping upstairs now, so you can go and shake his hand. C'est comme si tu pouvais dire qu'Obama est en train de dormir en haut et tu peux aller le saluer. Impossible. C'est impossible. To please God. De plaire à Dieu. If you do not have faith. Si tu n'as pas la foi. The Bible says that As God says that as you are coming to him, la Bible dit qu'alors que tu viens à Dieu, as you open your mouth and begin to alors pray, que tu commences à prier, que tu commences this à is what ta God bouche, is expecting of you. C'est ce que Dieu s'attend. He says, for he that cometh to God, la Bible dit mais pour ceux qui s'approchent de Dieu, must believe, croit que Dieu, must have confidence, doivent avoir la must assurance, trust, doivent avoir la confiance, must know, doivent savoir that he is, qu'il est. And you know what? After that, there's a comma. Après ça, il y a une virgule. He says, il dit, as you are coming to him, alors que tu vas vers lui, you have to believe, tu dois croire, that he is, qu'il est, comma, virgule. There is a comma. Il y a une virgule. Tell your neighbor that there is a comma. Dis à ton voisin qu'il y a une virgule. There is a comma. Il y a une virgule. Because they could have just continued. He must believe that he is and he is there. Because usually, il aurait pu juste continuer. Usually in grammar when you have and, souvent en grammaire quand vous avez et, you don't have to bring a comma before. Vous n'avez pas besoin de mettre une virgule. So God wants you to pause. Alors Dieu veut que vous fassiez une pause on that sentence. Sur cette phrase. That is why he brought the comma. C'est pour cela qu'il a mis la virgule. He said that as you are coming to me, et alors que tu viens à lui, you need to stop, tu dois t'arrêter, and believe, et croire, that I exist, qu'il existe, that I exist, qu'il existe, that I am not just some phantom in the atmosphere, il n'y a pas juste des fantômes dans l'atmosphère, that I am not just something that people talk about. Il n'y a pas juste quelque chose dont les gens parlent. But he who makes the attempt to come towards me, mais lui qui a permis que tu puisses venir vers lui, must believe, doit croire, that I am, qu'il est. That is the basis. C'est la base. If you come and you believe, si tu viens et que tu crois, that God is, que Dieu est, you have already received your answer. Tu as presque reçu ta réponse. Because you have believed, you have believed. Tu as cru. Hallelujah. Hallelujah. Tonight God is giving someone the ce key of breakthrough. Dieu est en train de te tonight God is delivering somebody. Dieu est en train tonight de... God is giving you the answer to your breakthrough. Dieu est en train de donner... He says that he must believe that he exists. Comma. La Bible dit que tu dois croire qu'il existe, virgule. And that he is a rewarder. Et qu'il est le rémunérateur of them de ceux that diligently seek him. Qui le cherche. How do you seek God? Comment est-ce que tu cherches Dieu? How? Ah, comment? Is it just somebody? I mean, something that it's like you know that the president is there, but you don't whether he lives or he travels or he goes or he comes. It doesn't matter to you because you don't gain anything from the president of your country. Même si le président voyage ou il fait quoi que ce soit, cela t'importe peu parce que tu ne le vois pas. Do you understand? So the president is there. Le président est là. But whether he's in China or he's in Korea, mais qu'il soit en Chine ou en Corée, does it affect us here in Ghana? Est-ce que cela t'affecte? As we are sitting here, it doesn't affect. Alors que tu es assis là, cela ne t'affecte pas. So we don't believe that he is. Alors nous ne croyons pas qu'il est. Do you understand? Because his existence does not change who we are. Parce que son existence ne change pas qui nous sommes. Is telling you and I. Mais Dieu te dit à toi et that à moi. If you open your mouth that you are praying, et si tu, quand tu ouvres ta bouche et que tu pries, and you come to him in et que prayer, tu vas vers lui, as soon as you open your mouth, dès que tu ouvres ta bouche and say, Father, in et the que name tu dis Jesus, Père au nom de Jésus, you must believe that he exists. Tu dois croire qu'il existe. You must have the faith that he is there. Tu dois avoir la foi qu'il est là. That he's forgotten everything else and he's focused qu'il a on oublié what tout et qu'il est concentré him. Sur toi. And the Bible says that et he Bible is a rewarder. Qu'il est le rémunérateur. He is a rewarder. Il est le rémunérateur. He rewards. He rewards. Il récompense. He rewards. Il récompense. Those that diligently seek him. Ceux qui le cherchent. Hallelujah. Hallelujah. How do you see God? Comment est-ce que tu cherches Dieu? Are you diligent in prayer? Est-ce que tu cherches Dieu diligemment dans la prière? Prayer? Est-ce que tu es diligent dans ta prière? When I was getting ready to come, quand j'étais en train d'arriver, I just went to the pastor's lounge. Je suis allée où les pasteurs se réunissent. And then I heard someone crying in the background. Et j'ai entendu quelqu'un pleurer à l'arrière. As if the person had a broken heart. Comme si quelqu'un avait un cœur brisé. So I said, okay, let me just finish and see, because it was a lady. Let me finish and see if somebody is sad and is crying before the person comes to church. Je me suis dit, j'aimerais aller voir cette personne quand je finis. So when I went there, alors quand je suis allée, a lady was lying on the floor. Une fille était allongée sur le sol, with her Bible open before avec her. Sa Bible ouverte. And I just walked back. Et j'ai juste reculé. Because she was diligently seeking her God. Parce qu'elle était diligemment en train de chercher Dieu. And she was crying because en train de she needs a miracle. Parce qu'elle avait besoin d'un miracle. The question is, how diligent are you in prayer? La question est, à quel point tu es diligent dans ta prière? Is prayer just something that, I mean, it's like, okay, my son, ce n'est pas quelque chose que tu fais juste. Or you've come to God because you need that miracle. Où est-ce que tu vas vers Dieu parce que tu as besoin de ce miracle? You know, just like how Jacob told God. Comme Jacob a dit à Dieu. He said, "If you do not bless me, il a dit, si tu ne me bénis pas, I will not let you go. Je ne vais pas te laisser partir. If you do not bless si me, tu ne me bénis pas, I cannot let you je go. Ne peux pas te laisser partir. And the Bible said, a man wrestled with God. Et la Bible dit que l'homme est resté. And it was only when the angel of God touched a certain part of his body. Et c'est juste quand l'ange a touché une certaine partie de son corps. That he let go. Qu'il a laissé partir. And because of that. Et à cause de cela. His name was changed. Son nom a été changé. I want to ask you. J'aimerais te demander. You need a miracle. Tu as besoin d'un miracle. You need God's help. Tu as besoin de l'aide de Dieu. How diligent are you in your prayer? À quel point tu es diligent dans ta prière? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Are you here? You've gone home. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes allé à la maison? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Without faith, it is impossible to please God. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. You know, and as I read the scripture references, alors que je lisais l'écriture, you realize that Abraham. J'ai réalisé qu'Abraham. You see, I came to tell you that no matter your state. Je suis venu te dire que peu importe ton état. If you will begin to exercise your faith. Si tu commences à exercer ta foi. Something will change. Quelque chose va changer. Until you tell your, you see that scripture that we heard on Sunday. Cette écriture que dont nous avons entendu parler dimanche. It was a turning point for me. C'était un point tournant pour moi. The Bible said la Bible dit that she said within herself. Qu'elle s'est dit en elle-même. So you have to sit down. Alors tu dois t'asseoir. And you have to say within yourself. Et tu dois te dire en toi-même that except you help me. Que si tu ne m'aides pas. Except you help me. Si tu ne m'aides pas. I am finished. Je suis fini. You must be diligent before God. Tu dois être diligent devant Dieu. The Bible says Jesus. La Bible dit Jésus. Even though he was the son of God, même s'il était le fils de Dieu. He prayed unto God. Il a pleuré devant Dieu. With a loud voice. Avec une haute voix. Hallelujah. Hallelujah. And with crying. Et avec des larmes. Even though he was the son of God. Même s'il était le fils de Dieu. So I'm asking you that how much do you need that miracle? Et je te demande à quel point tu as besoin de ce miracle. Is it something that you wish it? Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites? Because we often do that. Parce que souvent nous le faisons. We wish it. We wish God. God, nous souhaitons. Please, I need a child. God, Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. God, I need a house. God, Seigneur, I need j'ai besoin this. D'une maison. J'ai besoin de cela. But are you willing to tell God that unless you bless me? Mais est-ce que tu es prêt à dire à Dieu, Seigneur, je suis fini sans toi? I am not going anywhere. Si tu ne me bénis pas, je ne vais nulle part. Because God needs to know. Parce que Dieu a besoin de savoir. That as you are coming. Qu'alors que tu vas vers lui. You are not coming to pray to the atmosphere. Tu ne viens pas prier à l'atmosphère. You're not coming to pray to some wind somewhere. Tu ne viens pas prier à quelque vent. You're not coming to pray to some mystery. Tu ne viens pas prier devant des mystères. But he needs to know. Mais il a besoin de savoir. That you. Que toi. That you. Que toi. Believe. Tu crois. That he is. Qu'il est. That he exists. Il existe. Once he feels, alors qu'il le sent, that vibe, sensation, cette sensation, that you believe, que tu crois, that he is your only source, qu'il est ta seule aide, he will begin, il va commencer, to step into your situation, de faire un pas vers ta situation. You know there was a king in the Bible, tu sais il y avait un roi dans la Bible, and a widow. And a widow. And a widow. There was a king in the Bible. Il y avait un roi dans la Bible. And a widow. Et une veuve. And there was so much trouble in their lands. Il y avait tellement de problèmes dans leur terre. That people were killing their children to eat and all kinds of bizarre things. Les gens étaient en train de s'abonner au cannibalisme. And one day, et alors un jour, the king, le roi, who had the power, qui avait la puissance, to change circumstances, de changer les circonstances, he himself, the Bible says he was troubled. La Bible dit que lui-même il était en trouble. And he was walking up and down. Et il marchait, trying to look for a solution. Il marchait dans les alentours pour trouver une solution. And then the widow, alors la veuve, came to him, est venue vers lui, and said, et lui a dit, my Lord the King, mon Seigneur et roi, I need you to help me. J'ai besoin que tu m'aides. And the king, et le roi, who was in power, qui était en puissance, he turned towards the woman, il s'est tourné vers la femme, and told her, et il lui a dit, if the Lord does not help you, si le Dieu ne, si Dieu ne t'aide pas, if the Lord does si not Dieu help ne you, t'aide pas, who am I to help you? Qui suis-je pour t'aider? And tonight, et ce soir, a lot of us are looking up to a man or a woman for a particular beaucoup d'entre blessing. Nous se tournent vers un homme, une femme ou vers une personne particulière. You believe in somebody else's promise, aux promesses de quelqu'un d'autre, than in the power and the sovereignty of God. Qu'à la souveraineté et au pouvoir de Dieu. Because you know the person is able to send you $500. Parce que tu sais que la personne est capable de t'envoyer 500 by just dollars a phone call. Par juste un coup de fil. But God, you don't know how he can send you that $500. Mais Dieu, tu ne sais pas comment il peut t'envoyer ces 500 000 dollars. Because you are not even sure. Parce que tu n'es même pas sûr. That he exists. Qu'il existe. You believe. Tu crois. But you don't have faith. Mais tu n'as pas la foi. That is why you would rather c'est pourquoi on the person that you know, tu vas plutôt appeler la personne que that tu you connais. Tell the person that, look, I need to pay my fees. Et dire à la personne, j'ai besoin tomorrow. De payer ma scolarité, j'ai besoin de 500 000 dollars. And the person will tell you that, okay, don't worry, tomorrow go to the bank, I'll send you the text. Et la personne te dira, ne t'inquiète pas, demain, va à la banque, je t'enverrai l'argent. So we trust. Alors nous avons confiance in what we see. En ce que nous voyons. Instead of trusting, au lieu de croire, in the sovereignty of God, dans la souveraineté de Dieu. Sometimes, even though we are trusting God, quelquefois même quand nous avons confiance en Dieu, our trust is divided. Notre confiance est divisée. Hallelujah. Hallelujah. It is like, I mean, God, I know you can do it, but I don't comme know si how. Dieu, je sais que I can't really faire, tell. Je ne sais pas vraiment à quel moment tu peux le faire. Hallelujah. Hallelujah. And so we seek help from elsewhere. Alors nous cherchons l'aide ailleurs. You know, it is, Bible says, commit your ways unto the Lord. La Bible dit, soumets tes désirs devant le Seigneur. Then shall you find good success. Alors tu trouveras le succès. It is after you have committed your ways into the hands of God. C'est dès que tu as soumis tes besoins devant le Seigneur that you will have good success. Que tu auras le succès. So even if you want to call that uncle who can bring you the $500. Même si tu veux appeler cet oncle qui peut te donner ces 500 000 dollars. Why don't you ask God first? Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à Dieu en premier? Why don't you even ask God to touch his heart? Pourquoi est-ce que tu ne demandes même pas à Dieu de toucher son cœur? That as you are going to make that call. Qu'alors que tu veux mettre cet appel. It will be at the right time. Ce sera au bon moment. You know that sometimes you'll be there and you get a call that the person has called at the wrong time. Des fois nous recevons des appels, la personne a appelé au mauvais moment. Because you know the pressure you are under. Parce que la pression sous laquelle tu es. And then that call, as you see the person's name, you already been angry. Alors quand tu vois juste le nom de la personne, tu es déjà en colère. So how do you know that the person you are going to call is not in a particular state? Alors comment est-ce que tu sais que la personne que tu veux appeler n'est pas déjà dans un état particulier? So even if it's the person that God has given to you to be a blessing to you. Et même si c'est la personne par laquelle Dieu veut que tu puisses être béni, it will be good. Ce sera bien. To believe what God says. De croire en ce que Dieu dit. That the horse may be set for battle. Que le cheval est fait pour la bataille. Pour la bataille. But the victory comes from God. Mais la victoire vient de Dieu. Tonight I'm just trying to turn your attention again on your God. Ce soir j'aimerais pouvoir tourner ton attention vers ton Dieu. I'm trying to help us to understand. J'aimerais que nous puissions comprendre. That what David said. Que ce que David a dit. I want it to be your prayer. J'aimerais que ça soit ta prière. He said. Il a dit. Psalm 121. Donc psaume 1 21. He said, I lift up my eyes unto the hill. Je lève mes yeux vers les montagnes. From where does my help come from? D'où me viendra l'aide? My help comes from the Lord. Mon aide vient du Seigneur. My help comes from the Lord. Mon aide vient du Seigneur. My help comes from the Lord. Mon aide vient du Seigneur. My help comes from the Lord. Mon aide vient du Seigneur. Which made the heavens and the earth. Qui a fait le ciel et la terre. He will not suffer my feet to be removed. Il ne permettra pas que je souffre. He that keepeth Israel. Celui qui garde l'Israël. Shall neither slumber nor sleep. Gardera mon sommeil. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says the Lord is your keeper. La Bible dit que le Seigneur est ton gardien. The Lord is your shade upon your right hand. Le Seigneur est ton gardien. So the sun shall not smite you by day. Le soleil ne soufflera pas sur toi. Nor the moon by night. Ni la lune de la nuit. He shall preserve your soul. Il gardera ton âme. He shall preserve your soul. Il gardera ton âme. Your soul is the place where you have your emotions. Ton âme est l'endroit où tu as tes émotions. The seat of your emotions. L'endroit où se siègent tes émotions. Sometimes when you are confused. Des fois quand tu es confus. When you are offended. Quand tu es offensé. When you are hurt. Quand tu es touché. When you don't know what to do. Quand tu ne sais pas quoi faire. Your soul is troubled. Ton âme est triste. That's why David said. C'est pourquoi David a dit. Why are you so downcast, O my soul? Oh mon âme, pourquoi es-tu abattu? Put your hope in God. Mets ton espoir en Dieu. Tonight. Ce soir. If your soul is troubled. Si ton âme est abattue. The Bible says. La Bible dit. He says in said what? God. L'Éternel. Will preserve your soul. Gardera ton âme. Exactly what you are going through. Dans tout ce que tu traverses. If you will believe that he is. Si tu crois qu'il est. If you will believe. Si tu le crois. Nobody can do it for you. Personne ne pourra nobody can do it for you. Personne ne pourra le faire. I said nobody can do it for you. Personne ne pourra le faire pour toi. Like the woman who said within herself. Comme la femme qui a dit en elle-même. You need to say within yourself. Tu as besoin de te dire en toi-même. You need to say. Tu as besoin de yourself. Dire en toi-même. Hallelujah. Hallelujah. That if I can only touch. Que si je peux seulement toucher. I will receive. Je recevrai. I will receive what I need. Je recevrai ce dont j'ai besoin. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The last scripture I want to share with you. La dernière écriture que j'aimerais partager avec vous. Is when the blind man saw Jesus. C'est quand l'aveugle a vu Jésus. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, I mean, God is God. Dieu est Dieu. He, of course, has seen his creature. He has seen his creature. Il a vu sa créature. Who was blind. Qui était aveugle. Now. Maintenant. This was the second scripture that blessed me on Sunday. C'est la deuxième écriture qui m'a béni le dimanche. Jesus asked him. Jésus lui a demandé. He said. Il a dit. Do you want to be made whole? Est-ce que tu veux être sauvé? He said. Do you believe that est-ce que I tu crois que je peux te guérir? Do you believe? Est-ce que tu crois? As you are praying. Alors que tu pries. Do you believe? Est-ce que tu crois? That I am. Qu'il est. As you are fasting. Alors que tu jeûnes. Do you believe? Est-ce que tu crois? That I exist. Qu'il existe. Jesus confirmed with the man. Jésus a parlé avec l'homme. He said that. Do you believe? Et il a dit, est-ce que tu crois? That I can heal you. Que je peux te guérir. The man said, yes, I believe. Et l'homme a dit, oui, je crois. Bible says, la Bible dit, it was after he said it, la Bible dit que c'est qu'après qu'il l'ait dit that Jesus touched him, que Jésus l'a touché and he received his healing. Et il a reçu sa guérison. Tonight, God is asking ce soir, Dieu te demande, do you believe? Est-ce que tu crois? Do you believe? Est-ce que tu crois? Do you believe? Est-ce que tu crois? That I can do it. Qu'il peut le faire. Do you believe that est-ce que I tu exist? Crois qu'il existe? Alléluia. Alléluia. I can never have faith for you. Je ne peux jamais avoir la foi pour toi. I need to have faith. J'ai besoin d'avoir la foi. In myself. Pour moi. For myself. Pour moi. For my situation. Pour ma situation. The only thing I can do for la seule you chose que je peux faire pour toi is to share the truth with you. C'est de partager la vérité avec toi. That you need que tu as besoin to begin de commencer to exercise your faith. D'exercer ta foi. If you don't, si tu ne you will live si tu ne le crois pas, If you don't, si tu ne le crois pas, that's not what I mean. If you don't, si tu ne le fais pas, you will be a Christian. Tu seras un chrétien. You will be paying your tithe. Tu vas payer ta dîme. You will be speaking in tongues. Tu vas parler en langue. You will be serving God. Tu vas servir Dieu. You will be preaching. Tu vas prêcher. You will be a helper in the church. Tu vas être une aide à l'église. But your faith will never bring you to the place that God has prepared for you. Mais ta foi ne va jamais t'emmener à l'endroit où Dieu veut que tu sois. If God has prepared level 10 for you, si Dieu a préparé le niveau 10 pour toi, because you were afraid to step out in parce faith, que tu avais peur de faire un pas dans la foi, you can only stay on level 2. Tu vas seulement rester au niveau numéro 2. You need to believe it. Tu as besoin de le croire. You need to believe it. Tu as besoin de le croire. It is not about your speaking in tongues. Ce n'est pas à propos de ton parler. It is not about your paying of tithe. Ce n'est pas à propos de ta dîme. It is not about your service in church. Ce n'est pas à cause de ton service à l'église. The Bible says, la Bible dit, the just, les justes, shall live, vivront by his faith, par la foi. You see, you're not a good interpreter. The just, le juste, shall live, vivra, by his faithfulness, par sa fidélité. The just, le juste, shall live, vivra, by his commitment in the house of God, par son dévouement dans l'église de Dieu. You're sure? Êtes-vous sûr? The just, le juste, shall live, vivra, by practicing the keyboard, en pratiquant le piano, to be able to play on Sunday, être capable de jouer les dimanches, and missing work to come for rehearsal, et manquer le travail pour venir à la réunion. The just shall live by love, le juste vivra par l'amour. Now faith, hope and love, l'amour, l'espérance et la foi. The greatest of this is love. Le plus grand de tous, c'est l'amour. So the just shall live by love. Alors le juste vivra par l'amour. Wow. Wow. What does the Bible say? Qu'est-ce in que la Bible 10, dit? Que le The Bible says what? And now the just shall live by faith. Et mon juste vivra par la foi. Hallelujah. Alléluia. And if he withdraws, il retire, I shall no longer have pleasure in him. Et s'il se retire, je n'aurai plus de plaisir en lui. Tonight, I believe that a lot of us have withdrawn ce soir, from je faith. Crois que beaucoup se sont retirés de la foi. Because we trusted God for some things. Parce que nous avons cru en Dieu pour quelque chose. And we did not receive it. Et nous ne l'avons pas reçu. At the time we wanted to receive au moment où nous voulons le recevoir. So we have lost faith. Alors nous avons perdu la foi. But I want to encourage you. Et j'aimerais t'encourager. Faith, la foi, is the key, c'est la clé, to your breakthrough, pour the power, la puissance, to rise, de t'élever, from level 2 du niveau 2 to level 10 au niveau 10, does not depend on God. Ne dépend pas de Dieu. It depends on your faith in God. Il dépend de ta foi en Dieu. It depends on your faith. Ça dépend de ta foi. Because God says that when you, if you have faith, this confidence. Parce que la Bible dit si tu as la foi qui est l'assurance, then he can act. Alors il agira. You can pray the whole day from 6 a.m. to 6 p.m. Tu peux prier toute la journée de 6 heures du matin à 6 heures du that soir. Is not what will please God. Ce n'est pas ce qui fera plaisir à Dieu. It is your faith. C'est ta foi. Tonight I want to encourage ce soir, j'aimerais t'encourager to have faith in d'avoir God. La foi. To have faith in God. D'avoir la foi en Dieu. To have faith in d'avoir God. La foi en Dieu. The just shall live by faith. Le juste vivra par la foi. No matter what is going on in our lives, peu importe ce qui se passe dans nos vies, there is only one person, il y a juste une personne, who can speak to the storm, qui peut parler à l'orage. And that is God. Et ça c'est Dieu. That is God. Ça c'est Dieu. He has given you the power. Il t'a donné le pouvoir. He's shown you the secret. Il t'a montré le secret. He says that the faith, il dit, is your key. C'est la clé to your breakthrough. De ta liberté. Alléluia. Alléluia. I want us to stand to our feet. J'aimerais tonight. Que nous puissions nous lever ce soir. And I want us to begin to pray. Et j'aimerais que nous commencions à prier. And as you are praying, et alors que tu pries, I want you to be like the disciples. J'aimerais que tu sois comme les disciples. And tell God, et que tu dises à Dieu, that God increase my faith. Ce soir, augmente ma foi. God increase my faith. Augmente ma foi. God increase my faith. Dieu augmente ma foi. God increase my Dieu faith. Dieu augmente ma foi. Increase my augmente faith. Augmente ma foi. I need to have the faith, but j'ai besoin d'avoir la foi. I have little faith. j'ai besoin d'avoir But increase la foi. My faith. Mais augmente ma foi. Increase my faith. Augmente ma foi. Begin to talk to your God Commence tonight. À parler à ton Dieu ce Begin soir. To talk to your Commence God tonight. À parler à ton Dieu ce soir. In the name of Au Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Manderebeka sobranderere baba. I want you to talk to God tonight. J'aimerais que tu puisses parler à Dieu ce Tell soir. Tell him that from today. Et que tu lui dises à partir you will have the confidence that you need. J'aurai l'assurance. You will have the confidence that you need. Tu auras l'assurance dont tu as besoin. Ask him to increase your faith. Demande-lui d'augmenter ta foi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Just pray for a few more minutes. Prie pour quelques minutes encore. Just pray for a few minutes. Juste prie pour quelques minutes. Ask him to increase your faith. Demande-lui d'augmenter ta foi. Ask him to increase your faith. Demande-lui d'augmenter ta foi. Ask him to increase your faith. Demande-lui d'augmenter ta foi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Manderebe kasobranda na baba. Oh, he that comes to him must believe that he is. Must believe that he is. Must believe that he is. Must believe that he is. Tous ceux qui viennent vers lui must believe that he is. Doivent croire qu'il est. In the name of Au Jesus. Nom de Jésus. Tell God that God increase my faith. Dis à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Increase my faith. Augmente ma foi. Increase my augmente faith. Ma foi. Increase augmente my faith. Ma foi. Increase augmente my faith, ma foi. Oh God. Oh Dieu. I need you. J'ai besoin de toi. I need you. J'ai besoin de toi. I need you. J'ai besoin de toi. I need you. J'ai besoin de toi. Increase my faith. Augmente ma foi. In the name of Au nom Jesus. De Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. I want you to remember these scriptures. J'aimerais que tu puisses te souvenir de ces and paroles. As you go home, alors que tu vas à la meditate maison, on them. Médite sur cela. And allow God to speak to et you et permets à Dieu de te parler. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. But with every head bowed. Alors que toutes les têtes sont baissées. And every eye closed. Et tous les yeux sont fermés. Maybe you are here tonight. Peut-être tu es là ce soir. You believe that There is something called Christianity. Tu crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle la chrétienté. Maybe you even go to church regularly. Peut-être tu ne vas pas à l'église régulièrement. But you don't know Jesus. Mais tu ne connais pas Jésus. As your personal savior. Comme ton Seigneur personnel. Tonight that can change. Ce soir ça peut changer. The Bible says that Jesus, he was born in a manger. Jésus est né dans une. Was born in a manger. Il est dans une étable. And he lived. Et il a vécu. And he died. Et il est mort. And the blood that he shed on the cross of Calvary. Et le sang qu'il a versé sur la croix du calvaire. Is the blood. C'est le sang. That washes us clean. Qui nous rend propre. The Bible says. La Bible dit. That for all have sinned. Que tous ont péché. And come short of the glory of God. Et sont privés de la gloire de Dieu. Bible says. La Bible dit. That the wages of sin. Que les péchés. Is death. Le salaire du péché, c'est la mort. But the gift of God Mais le don de Dieu is eternal life c'est la vie éternelle through Jesus Christ. À travers Jésus-Christ. You cannot save yourself tu ne peux pas te sauver by doing good things. En faisant de bonnes choses. You need to believe in tu as Jesus. Besoin de croire en Jésus. The Bible says, For God so loved the world, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde that he gave his only begotten qu'il a donné son Fils unique that whoever believes in afin him que quiconque croit en lui should not perish, ne périsse point but have everlasting mais qu'il life. Ait la vie éternelle. Tonight I want to ask Ce soir, j'aimerais te demander Do you have that everlasting life? Est-ce que tu as la vie éternelle? Is your name written in the book Est-ce of que ton nom life? Est inscrit dans le livre de vie? If you are to die, si tu dois mourir Will you go to heaven? Est-ce que tu iras au ciel? Because your name is written in the book of life. Parce que ton nom est inscrit dans le livre de Don't vie. Look at your friends. Ne regarde pas tes amis. Tonight, ce soir, you can be born again. Tu peux être né de nouveau. Tonight, ce soir, Jesus can save you. Jésus peut te sauver. If you are here, si tu es là, and you are not sure, et tu n'es pas sûr, that you are born again, que tu sois né de nouveau, I want you to just give me a wave of J'aimerais your, que your tu hand. Puisses faire un signe de ta main. Just lift up your hand. Juste lève ta main. Don't leave this place. Ne quitte pas cet endroit. Without accepting Jesus. Sans avoir accepté Jésus. Is there anybody? Est-ce qu'il y a quelqu'un? You want to say? Tu veux dire? Pastor. Pasteur. Please pray with me. S'il te plaît, prie avec moi. I want to be sure. Je veux être sûr. That I am born again. Que je suis né de nouveau. Is there anybody here like that? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? I see your hand. God bless you. Je vois ta main. Que Dieu te bénisse. You will never regret this choice. Tu ne regretteras jamais cela. Is there anybody else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Who wants to join my brother? Qui veut joindre notre frère? To say, pastor. Pour dire, pasteur. I am not sure. Je ne suis pas sûr. Where I will be. Où je serai. When I die. Quand je mourrai. But I need that assurance. Mais j'ai besoin de l'assurance. Is there anybody else? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hallelujah. Hallelujah. If you have lifted your hand, si tu as levé ta main, I want you to do one more j'aimerais thing. Que tu fasses quelque chose de plus. I want you to come towards j'aimerais me. Que tu viennes vers moi. And I will pray with you. Et je vais prier avec toi. I will pray with you. Je vais prier avec toi. Tonight, ce soir, your name ton nom shall be written sera écrit in the book of life. Dans le livre de la vie. Hallelujah. Alléluia. Oui. God bless you. Seigneur, let's sing together. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est. Come on, let's sing it again. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Parle français. Ok. Tu as pris une décision qui est la meilleure décision de ta vie. Aujourd'hui, tu es venu devant Dieu. Tu lui dis, je sais que je ne suis pas juste. Je ne vais pas me sauver par mes propres œuvres. Mais je viens à toi tel que je suis. Et cette prière que tu fais ce soir, ça va changer ton destin. Et après cette prière, comme tu fais cette prière dans la foi, ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Avec cette foi, j'aimerais que tu fermes tes yeux. J'aimerais que tu répètes après moi. Et ceux qui sont dans l'assemblée, répétez après moi également. Dites, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette opportunité. Je te remercie d'être venu sur la terre pour mourir pour moi. Merci d'avoir versé ton sang pour racheter mon âme. Je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Je ne peux jamais me sauver par moi-même. Mais je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Alors aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi et purifie-moi par ton sang précieux. Jésus, s'il te plaît, je t'invite. Viens vivre en moi. Sois le maître de ma vie. Je te donne le contrôle de ma vie. Sois mon sauveur. S'il te plaît, inscris mon nom dans les livres de vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit. Je vais vivre pour toi tous les jours de ma vie. Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens plus. Tout lien que j'ai tissé avec toi, consciemment ou inconsciemment, à partir d'aujourd'hui, c'est brisé au nom de Jésus. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Tu ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus-Christ. Merci Seigneur de m'avoir accepté. S'il te plaît, aide-moi à partir d'aujourd'hui. Je t'accepte comme mon sauveur et mon roi. Merci au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse mon frère. Il y a un frère qui est là. Qui va te parler brièvement et il faut aller le voir et après tu vas venir Il prend ta place. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Please take your seat.